Les gens sont pas encore assez prêts. Mais ils disent que à peu près dans un an et demi, voilà, autour d'un an et demi, les gens qui sont venus dans les séminaires vont avoir un grand besoin de se voir. Établir des alliances. Parce que le travail qui va se faire sur les corps d'ici un an et demi va être suffisant pour permettre à l'ego de se sentir uni à d'autres égos. Ils disent que la raison qu'ils ne veulent pas en parler trop vite, c'est parce qu'ils veulent, ils veulent pas parler d'avance de ce qui va se passer pour que les gens interprètent mal ce qui va se passer. Pour que les gens pensent ou imaginent que éventuellement ils vont former un groupe ou ils vont former une société ou ils vont former. C'est pas le même. C'est un petit peu au niveau d'une sorte d'alliance, de relation très personnelle qui vient très lentement. Alors cette semaine, j'ai accepté d'aller souper chez. Comment ça s'appelle? Jeannette. Jeannette. Alors, je m'en vais souper chez Jeannette. J'aime travailler avec ma femme. Je vais aller souper chez Jeannette. Et pour que j'aille souper chez Jeannette, il faut que j'aille chez Jeannette socialement. Je ne peux pas parler chez Jeannette. On y va comme des chats. Un ami de la famille. On va éditer un petit peu comme ça plus tard. Éventuellement, vous allez. Les gens vont être des amis, mais ça sera. Vous allez tout parler, ça c'est normal. Mais ça sera pas. Vous allez avoir besoin des amis. Et des amis conscients. Puis il dit que là, ils ont commencé à travailler sur ce plan-là. Et puis, quand vous allez commencer à sentir cette amitié-là qui vient pas de l'ego, qui est pas au niveau de la personnalité, qui fait partie de votre intérieur à vous autres. Ces amitiés-là vont durer pendant des années et elles ne pourront pas être rompues. Mais ils ne veulent pas que j'en parle plus que ça. Il y en a qui commencent à sentir un petit peu ce que je dis. Éventuellement, ils parleront de la raison. Pourquoi ça plus on devient conscient, plus on devient seul. Quand on est conscient, quand on est créatif, à ce moment-là, pas tellement de problèmes de solitude parce qu'on connaît tellement de gens, on parle à tellement de gens. Puis c'est le contraire, on veut être seul. Mais quand on devient conscient, qu'on ne travaille pas au niveau créatif, qu'on vit notre conscience, puis qu'elle grandit, qu'elle grandit, éventuellement, on devient seul. Puis l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme doit communiquer. Plus on devient conscient, plus on veut communiquer.

un point d'appui pour les forces pour que vous puissiez devenir des individus totalement conscients, centrés, créateurs, puis totalement bien fait pour bien situer jusqu'à vitam éternel. Mais s'il y a des êtres qui ont passé, qui ont vécu une initiation avec moi personnellement, puis qui ont encore de l'ego, des beaux égaux, puis qui ont encore des failles, qu'eux autres essayent encore toujours de travailler, de transformer, de transformer. Imaginez-vous des gens que je rencontre. C'est long. C'est bon que ce soit long parce que c'est à long. Tout le monde craquerait. Tout le monde capoterait, tout le monde sera saint de Dieu parce qu'il n'y a pas il y a personne qui pourra prendre l'énergie à moins d'être fusionné. Sauf fusionné. Quand tu fusionnes, tu ne peux pas capoter, c'est eux autres qui contrôlent le show, mais tu n'as plus de libre arbitre non plus. Mais si tu as ton libre arbitre, il y a trop d'énergie qui descend. Automatiquement, les gens capotent. C'est ça qui se produit dans le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui craquent. Parce que l'énergie descend, elle ne descend pas du Québec, l'énergie descend tout partout dans le monde. On a tous nos petits cerveaux, nos petits radios qui captent cette énergie-là. Puis regardez autour de vous, regardez les annales, la séance de Dieu, puis plus ça va, bien, plus on est client. Plus ça va, plus il va y avoir des clients. Parce que ça fait partie de la fin d'un cycle. C'est ça qu'il y a plus de gens qui vont venir des conférences, des conférences, des conférences. Parce qu'il y a plus de gens qui commencent à sentir. J'ai parlé à une femme après-midi, elle dit ça fait un an là, qu'elle commence à sentir les chambardements. Avant, elle avait jamais ça de chambardement. Elle avait ses couches, elle allait au shopping center, tout marchait. Comment ça? Là, il y a un travail qui se fait en dedans. C'est là que ça commence. Là, elle rencontre un gars qui était assez long, donc qui la comprenait parce qu'elle ne pouvait pas parler avec sa belle-mère. Elle était contente. Et éventuellement, il va y avoir de plus en plus de gens qui comprennent. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont pouvoir bénéficier de ce que certaines personnes savent. Ça devient important que des gens sachent. Que des psychologues puissent savoir. Parce qu'il y a bien des gens qui ont besoin d'aide, bien plus que vous imaginez. Les années 80 et les années 90, ça va s'ouvrir. Puis il y a des gens, énormément de gens qui vont craquer. Pourquoi est-ce qu'ils vont craquer? Parce qu'il n'y aura personne qui leur aura expliqué comment ça marche quand ça arrive. Quand ça n'arrive pas, ça marche. T'es pris dans des structures existentielles, philosophiques, psychologiques, ta carrière. Mais quand ça commence à pénétrer, cette affaire-là, ils te demandent pas permission, eux autres, quand ils ouvrent des centres, Charlie. Ils te demandent pas permission. Là, laissez le temps. C'est là que les gens vont avoir besoin des gens. Puis il y a eu des gens de préparer. Il y a un prof de l'Université de Montréal qui disait hier à Marc Lapelle, il disait ça devrait être écrit qui dit qu'on puisse étudier ça. Il n'y a rien étudié là. Étudier quoi? Stand-in. S'il ouvre ses portes à lui. Il va être du chemin à faire dans la petite là. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne l'ego. Il faut qu'on puisse vivre avec notre ego sans se culpabiliser.